Sudec Web. Bienvenue sur Sudec Web, merci de nous rejoindre, il est 15h. Sudec Web, les infos. L'essentiel de l'actualité, Claire Pipolo. Bonjour Claire. Bonjour Antonin, bonjour à tous. Aujourd'hui, le président Emmanuel Macron s'est adressé aux Gilets jaunes en assurant comprendre la colère sourde. Dans un discours de plus d'une heure, le chef d'État a présenté son plan de transition écologique. Parmi les annonces, une concertation dans les 3 mois à venir, une fiscalité adaptée sur les carburants et un plan de 7 à 8 milliards sur les énergies renouvelables. Un fonctionnaire du Sénat, Benoît Kennedy, a été arrêté par les services de renseignement pour des soupçons d'espionnage au profit de la Corée du Nord. Il a été interpellé dimanche dernier et placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour, je cite, « recueil et livraison d'informations à une puissance étrangère susceptible de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ». International à présent, la sonde américaine InSight, transportant notamment un sismomètre français, s'est posée sans trop d'encombre sur Mars. L'engin a rapidement envoyé une première photo de la planète rouge avant de se mettre en action pour permettre le début des travaux scientifiques. La Russie a mis en garde l'Ukraine hier contre tout acte irréfléchi après la décision de Kiev concernant la loi martiale en réponse à l'arraisonnement de ses 3 navires ukrainiens au large de la Crimée. Cette loi entrera en vigueur demain matin en Ukraine dans une dizaine de régions frontalières, notamment en Russie, du Bélarus et à proximité de la mer d'Azov. Elle permettra aux autorités ukrainiennes de mobiliser ses citoyens pendant 1 mois et de réguler les médias ainsi que limiter les rassemblements publics. Un point sport à présent, Lyon sera devant son public et a l'occasion de se propulser en 8e de finale. La tâche des joueurs de Bruno Genesio est très simple, rééditer l'exploit du match, aller face à Manchester City où ils se sont imposés 2-1. Les Lyonnais n'ont perdu qu'un seul de ces 14 derniers matchs, toutes compétitions confondues. De son côté, Manchester City reste sur 8 victoires et a remporté 12 de ses 13 ultimes rencontres depuis sa défaite face à l'Olympique Lyonnais le 19 septembre dernier. De la pluie et du soleil, aujourd'hui on ne sait plus où donner de la tête, Claire. Cet après-midi, de nouvelles pluies sont attendues sur le nord-ouest, tandis que le soleil sera généreux sur le pourtour méditerranéen. Elle sera accompagnée par des pluies parfois modérées et par un vent de sud-ouest jusqu'à 70 km/h en rafale près des côtes, voire 90 km/h sur le Finistère. Côté sud, le soleil sera clément. Les températures varieront entre 6 et 14 degrés dans tout le pays. Il fera 8 à Lyon, 13 à Brest et 9 à Paris. Très bonne journée, c'est Sudec Web. Merci Claire, le retour de l'info à 15h30. Sudec Borderline, au bord de la culture, au bord de la connaissance, au bord de la connerie. 15h, 16h, c'est Borderline sur Sudec Web. Merci de nous rejoindre sur Studec Web et bienvenue dans Studec Borderline, votre émission culture décalée. Et on est ensemble pendant 1 heure et en direct sur Dailymotion, accompagné de mes acolytes Mona et Hugo. Bonjour. Hello. Salut Antonin, bonjour à tous. Ah, comment ça va vous deux? Tout va bien. Bah, tout va bien. La forme, ouais. Le grand sourire. Ouais, oui, comme d'hab, la patate. La patate. La patate. Bon, malgré la grisaille sur Paris, ouais, tout le monde est content d'être là aujourd'hui. Comme Mona, d'hab. Tu nous réserves plein de bonnes choses aujourd'hui. Et oui, je vais vous parler de femmes catcheuses et de femmes rappeuses. Ah bah que des femmes. Que des femmes, ouais, toujours des femmes. Pour changer encore une fois. Et Hugo, c'est pas des surprises aujourd'hui, mais bon, c'est bien quand même. Bah écoute, on va s'informer un petit peu avec le saviez-vous. Et surtout, on lance le coup d'envoi de Noël. On en parle tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure. Voilà, des news, on en aura pour vous dans l'alerte média, de la musique, évidemment. Et pour le sondage, on va parler épilation. Oh, voilà. Yeah. On jouera au jeu des poupées russes pour gagner un pack Studec Club avec une casquette et un t-shirt. Et pour bien commencer l'émission, une petite blague. Allez. Mona, je suis sûr que tu vas la comprendre celle-là. J'espère. Qu'est-ce qu'une luciole, d'accord, qui prend du Viagra? Ah non, mais je sais pas ce que c'est, mais j'ai peur. Je sais pas. Un néon. Eh bah, figure-toi, pour une fois, la blague est validée. Pour une fois, la blague est validée. J'ai mal compris. Le saviez-vous? Studec Web vous dit tout. Les Anglais n'auront jamais de président. La tomate est un fruit. Les dauphins sont des violeurs. Avec Studec Borderline, vous vous coucherez moins bête. Votre dose de culture journalière et vous est présentée par Hugo. Eh oui, alors bon, souvenez-vous, hier, on a parlé du nouveau film d'animation Le Roi Lion qui sort en juillet prochain. On a donc parlé de... Bon, allez, juste pour le kiff, on n'est pas dans le délire, mais juste pour le kiff, on réécoute un extrait où Antonin disait quelque chose d'intelligent pour une fois. C'était pas forcément ça, mais je vous en ai pas. Merci Antonin Dumois pour ce grand moment de radio. Bon, revenons à nos moutons. Le roi, voilà. C'est ça que je voulais. Il était là, ouais. Mais, voilà, donc c'était ça. Le roi de la savane fait partie des animaux ayant les rugissements les plus effrayants. Est-ce que vous avez une idée de la distance maximale à laquelle on peut entendre un lion rugir? 1 km. Mona? 6. 6. 8 km. Wow. Ah, mais j'étais plus près. 8 km. Bien évidemment, les lions rugissent pour plusieurs raisons. Tout d'abord pour marquer leur territoire, ça c'est pas nouveau. Et également pour effrayer les rivaux et les autres animaux. Et l'intensité du rugissement d'un lion peut atteindre 114 décibels, environ 25 fois plus fort que le bruit d'une tondeuse à gazon. Pour que vous puissiez un peu imager. Ah oui. Et la première place du son le plus puissant revient à la baleine bleue avec près de 188 décibels. À côté, le lion peut passer pour un petit rigolo, on va pas se mentir. Hein. C'est clair, attends, j'allais dire un truc, j'allais dire qu'on passe plus souvent la tondeuse que le lion, mais voilà. C'est... Ouais. Voilà, c'était juste... C'est une façon de dire, en effet. Ok, Mona, toujours pas compris. Non, toujours bah tiens, pas. Mona, tu sais, je pense quand elle gueule, en fait, faudrait mesurer les décibels, elle doit pas être très loin de la baleine. Ouais, non, c'est sûr, elle la dépasse. Elle la dépasse. Obligé. Très bien. Allez, il sera en concert demain soir à Grenoble et il reste des places entre 35 et 40 euros. Ça se passera au Somnum Alp Expo, j'ai toujours mal à le dire. Amir est en forme sur Sudekweb avec Longtemps. Je veux des problèmes. Je veux que tes galères deviennent les miennes. Je veux que tu me balances au visage tes orages, tes peines, pour des nuits diluviennes. Je veux qu'on s'apprenne. Je veux partager tes joies, tes migraines. Ton corps me donne le vertige et tes mains me mènent où rien ne nous gêne. Je pourrais me tatouer notre histoire sur le bras, me mettre dans de beaux draps si t'es avec moi. C'est toi dans ce monde fou, je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps, user ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom, je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans, que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même, jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. T'es mon sourire et ma carte chance. Je veux qu'on déconne, qu'on décolle, qu'on délire, qu'on danse jusqu'au dernier silence. J'irai dans la rue si t'as besoin d'un toit. Je pourrais vivre nu pour que t'aies un peu moins froid. C'est toi dans ce monde de fou, je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps, user ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom, je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans, que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même, jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. User ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans, que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même, jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Amir sur Studekweb et je vous rappelle qu'on est en direct sur Dailymotion. Le sondage du jour. Mm-hmm. Mona, Hugo, ouais. On va parler épilation. Ouais. Alors, est-ce que vous êtes pour ou contre l'épilation? Alors, toutes les zones, hein. Je parle pas que des bras et du torse. Okay. Je parle de toutes les zones. Ok, Mona. Alors moi par rapport à... aux hommes, j'adore les poils. Je trouve ça vachement viril. Je trouve que bestial. Ça fait bestial. Et moi c'est tout l'inverse. Les femmes qui ont des poils, ça me dégoûte. Donc, à bannir. Bah, tout à l'heure, il y a notre réalisateur Arthur qui nous a fait un joli comment en disant moi j'adore les poils, donc c'est incroyable. C'était génial. J'ai quelques chiffres quand même. Alors voilà. Vas-y. Alors, il y a 62% des filles qui sont repoussées lors d'un acte avant un acte sexuel parce qu'elles n'étaient pas elles-mêmes épilées. D'accord. Donc okay. C'est-à-dire qu'en fait tu vas à rendez-vous, tu t'épiles pas, uh-huh. Tu sais que ça va. Donc du coup tu fais non. Ok. C'est intelligent. Ça me paraît quand même beaucoup, ouais, comme chiffre. Il y en a beaucoup. Il y en a 37% qui disent que les poils c'est sale. Ouais. Donc c'est tout confondu là. On a 85% qui voient l'épilation comme une contrainte. Ouais. C'est chiant de s'épiler. Bah ouais, c'est relou. Ça je peux comprendre. Ça fait mal. Ça, ouais, ça fait mal. C'est pas une histoire. Oui, c'est. Ah non, épiler ou raser. Hein, moi, parce c'est. Que... Je parle d'épilation, on arrache. Hein. Attends, tu parles d'épilation. Ouais. Est-ce qu'on peut inclure aussi le rasage? Parce que. Le rasage, enfin c'est pas. Bon, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est pas pareil. Ah bah c'est différent. Ouais, c'est sûr. Je crois que ça repousse plus vite avec le rasage. Oui, beaucoup plus vite. Beaucoup voilà. Plus vite. beaucoup plus vite. Est-ce que ça bouge sur les réseaux, Mona? Ouais, sur les réseaux, on a posé la question il y a une heure et 57% adorent les poils. Comme quoi, on n'est pas. Ouais, on peut être surpris. Ouais. Ah, bande de cochons. Allez, à vous du coup de réagir sur les réseaux Facebook et Instagram, @studiecweb. Vous nous envoyez un message privé avec votre réaction et votre numéro de téléphone. Le plat du jour, c'est Hugo qui nous le concocte aujourd'hui. Yes. Et qu'est-ce qu'il y a de bon au menu? Eh ben, écoute, plein de bonnes choses. Si je vous dis dinde et bûche pâtissière, vous pensez à quel repas du mois de décembre? Noël. Bien joué. Alors, petite question. Vos cadeaux à Noël, est-ce que vous les ouvrez le 24 ou le 25? Le 24 au soir. Le 25 au matin. Le 25. Ok, bah, oh. moi, le 24, si je les ouvre aussi le 25. J'ai jamais vu, du moins, quelqu'un qui les ouvrait le 24. Okay. Alors, dites-nous si vous ouvrez vos cadeaux le 24 ou le 25 sur la page Facebook StudecWeb. Mm-hmm. Ça y est. Le compte à rebours pour Noël a enfin commencé. On est à moins d'un mois de la fête la plus populaire de l'année. Et si on se mettait dans l'ambiance, est-ce que ce serait pas une bonne idée? Trop bien, franchement. Ça c'est mieux. Ça c'est plus sympa. Voilà. Je me suis dit que ça valait le coup de faire un top 3 des cadeaux les plus insolites de Noël. Il y en a pour tous les goûts. Écoutez bien, car ces objets pourraient bientôt figurer sur votre wishlist. Alors on y va sans plus attendre. En top 3, je vous propose une superbe carte du monde à gratter. Voilà, c'est comme les jeux qu'on achète au tabac. On gratte avec notre petite pièce. Bien. Bon courage en tout cas, car c'est du 50 x 30 cm, donc c'est quand même relativement grand. Quand j'ai vu ça, j'ai direct pensé à Mona. Je vais te l'offrir juste pour que tu grattes les pays maghrébins et aucun d'entre eux et aucun autre. Comme ça, tu pourras dire que les rebeux dominent enfin le monde. Voilà. Et bim, en fait, c'était exactement, ça que tu attendais peut-être à la fin. Tout à fait. Et bim, okay, en l'occurrence. Bien. Merci Mona de l'avoir ajouté. En deuxième position, là, Antonin, c'est pour toi. C'est clairement fait pour toi. Ah bon. Un verre à bière qui fait de la mousse. Parce que c'est pas clairement pour lui. Il y a pas meilleur, il y a pas meilleur dans la bière. Tout le monde sait, c'est pas un secret, c'est la mousse. Il y a rien de si bon. Non. C'est une vraie pinte, sauf que quand t'appuies sur un petit bouton sur la chope, ça fait de la pression dans ton verre et donc ça refait de la mousse instantanément. Étant amateur de bière, je peux te jurer que la mousse c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Je sais, c'était ironique, Antonin. D'accord. Sauf petit bémol, ça remplit que 35 centilitres de bière, mais bon, c'est toujours ça. Et enfin, le top 1, le number 1, le winner, un jeu de fléchettes pour toilette. Avis aux gens qui affectionnent particulièrement cette pièce et qui pourraient y rester des heures et des heures. Ce cadeau, il est fait pour vous. Vous installez votre cible sur la porte des WC et le tour, il est joué. On vous fournit 3 petites balles en velcro. Vous savez, c'est les trucs qui s'accrochent beaucoup plus facile. Oui, pour les enfants. En l'occurrence. Ce qui est beaucoup plus simple pour jouer et en même temps, il est recommandé de laisser les boules sur la cible histoire de montrer qui est le boss au jeu de fléchettes. Voilà, vous pouvez retrouver tous ces articles sur internet et en grande surface pour pas cher. Alors n'hésitez plus. En tout cas, merci Hugo. J'espère que ça donnera des idées à certains pour leur wishlist de Noël. L'artiste canadien The Weeknd est encore accusé de plagiat, cette fois par Brian Clover, qui est persuadé que l'ancien membre du groupe Sonic Religion a plagié un titre du coup de son ancien groupe sur l'album Starboy. Voici The Weeknd avec Starboy sur StudecWeb. I'm trying to put you in the worst mood, P1 cleaner than your church shoes, Belly point two just to hurt you, All red lamb just to tease you, None of these toys on lease to, Made your whole year in a week too, Main bitch out of your league too, Side bitch out of your league too, House so empty, need a centerpiece, 20 racks a table come from ebony, Cut that ivory into skinny pieces, Then she clean up with her face, but I love my Money need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch out my side, I like to get any lane. Switch out my core if I kill any pain. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Try to test hiding any pain. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. Let a nigga bracket, legend of the fall, took the year like a bandit. Bought mama a crib and a brand new wagon. Now she hit the grocery shop looking lavish. Star Trek roof in the Wraith of Khan. Girls get loose when they hear the song. 100 on the dash, get me close to God. We don't pray for love, we just pray for cause. House so empty, need a centerpiece. 20 racks of table cut from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see the shade. Switch out my side, I like to get any lane. I switch out my core if I kill any pain. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Merci de nous rejoindre sur Studek Web, 15h17. Dans Studek Borderline, on vous en apprend tous les jours. Alors, Mona, t'es la seule à avoir un bac plus 3 et ça se sent un peu. Ouais, on va dire ça. Parce que t'es un petit peu trop philosophique pour nous aujourd'hui. Ouais, parce qu'en fait, tu vois, Hugo, il a un peu cassé l'ambiance hier en nous parlant des gilets jaunes. Ouais. Alors du coup, j'ai voulu rattraper le coup. Vas-y, allez. Et je me suis intéressée aux spécificités humaines, tu vois, l'esprit, tout ça. Je fais un peu de théorie dans ma tête. Mm-hmm. Et puis, je me suis dit, genre, pourquoi on a toujours cette impression de déjà vu parfois. Ouais. Et non, en fait, j'ai mieux. J'ai pourquoi il y a toujours les mêmes musiques qui nous tournent dans la tête une fois qu'on les a écoutées. Ok, ouais. Je t'ai pas déjà rendu compte dès que tu écoutes une musique, même si tu l'aimes pas, même si tu la valides pas, la chanson elle va te tourner dans la tête et boum, tu l'as toute la journée. Alors, c'est insupportable. Juste pour te dire, quand j'ai une chanson qui me rentre en tête, en général, je l'aime bien. Tu vois ce que je veux dire? Ah, genre, ouais, si vraiment je n'aime pas la chanson, elle me rentrera pas. Moi, il y a des chansons qui. Non, ça marche pas. Bah, tiens, regarde, je te donne juste un exemple. Ça. Merde, non, c'était pas ça, les garçons. Désolé. Ah, alors. Tout va bien. Autant pour moi, je retire totalement ce que j'ai dit. Celle-là. Je retire totalement tu ce que j'ai pas dit. Ouais, celle-là. Bah, non, mais. C'est pas que j'aime pas, mais genre elle saoule tout le monde. Ouais, c'est vrai qu'elle saoule tout le monde. On mais l'entend après, juste partout. T'imagines un homme qui a deux enfants, qui a 43 ans, qui est au bureau tranquille et qui commence à chanter ça devant ses collègues, c'est gênant, tu alors, vois. Alors, franchement, je veux pas vous couper dans votre discussion à deux, mais je suis là aussi, genre. Salut, Antonin, oh, ça va. Mais tu peux participer, hein, toi, il y a peut-être des chansons. Tiens, si je te propose ça, dis-moi. Celle-là, elle a transcendé mon âme et détruit mon esprit. La phrase la plus elle intelligente de mon âme. Ouais, c'est la seule que vous allez entendre aujourd'hui, je vous le dis. Non, mais celle-là, elle m'a vraiment tuée. Mais j'ai pire, parce que vous savez, maintenant, l'urbain, ça a commencé à se développer. On a eu des Aya Nakamura, on a eu des Dadju, et ça nous tourne vachement dans la tête. Mais ça, c'était la pire. Elle est bazardée. Mais ça va nous tuer. Moi, ça a tué mon année 2016. Je sais pas vous, je crois qu'elle était sortie en 2016, fin 2016. Un truc comme et ça. Je l'avais tout le temps dans la tête et tout le monde l'a chanté autour de moi. C'était insupportable. Mais j'en ai une autre encore. Celle de cette année. C'est cette personne. Ah bah. Allez les bleus. C'est la tienne, ça, Hugo. Dès que t'arrives ici, t'es en train de me chanter celle-là et je l'ai toute la journée dans c'est la vrai. Tête. Non mais le monde a quand même touché le fond avec la découverte d'un ovni de la planète marseillaise. Est-ce que vous voyez de qui je parle? On croit savoir de qui tu parles. Si je vous mets ça, vous avez compris. Elle a le regard qui tue, Chiquita. Cheveux longs comme Nikita. Si elle me quitte pas, je la quitte pas. Merci Mona, mais écoute, étant beauf, ouais, j'en ai une qui me tente dans la tête. J'en ai une qui me tente dans la tête H24. Le petit bonhomme du sang qui s'élance et rate le bonjour. Merci beaucoup. On joue au jeu des poupées russes sur Studek Web. À vous de jouer maintenant pour gagner un pack Studekweb qui contient une casquette et un maillot aux couleurs de la radio avec le jeu des poupées russes sur Studekweb. Yes. Mona, Hugo, vous avez un thème aujourd'hui qui est amour. Amour pour Mona. Et les voitures. Et les voitures. Ouais, moi j'aime bien les voitures. Et les voitures pour Hugo. Voilà, donc vous devez choisir un thème et vous allez devoir répondre aussi à, aux questions en rapport avec le thème en maximum de réponse en 45 secondes. Oui. Voilà. Donc vous nous envoyez un message privé @studekweb, Instagram et Facebook avec votre prénom et numéro de téléphone. On vous rappelle si vous êtes sélectionné. Et merci aussi d'être nombreux à réagir sur les réseaux comme Facebook ou Twitter avec le hashtag SBL. Maxime de Lens qui nous dit bah, je viens de me faire virer de course, c'est l'occasion pour vous écouter. Merci Maxime, ça fait plaisir. Vaut mieux nous écouter. Ouais, mais faut pas négliger ses études quand même, c'est très important. Oui, c'est vrai. Mona, pour Insta, t'as pas de nouveau Si. Alors je suis à. Maintenant, ça commence à faire du 50-50 là, hein, presque. Oh, on 50-50. Est à 55% pour on déteste. Ah, donc ouais. Ça a bien avancé. Ah, ça avance. Les gens n'aiment pas les poils finalement. Ouais. Okay. Et dans quelques instants, pour le retour de la musique, Louane et Julien Doré. Ça s'appelle Midi sur Novembre et c'est sur Studekweb. Retrouvez le meilleur laboratoire radiophonique de France. Viens manier des éprouvettes d'humour, des potions de folie et mélange-les à ta personnalité. Le studio École de France est un vrai labo radio où sont formés des animateurs et animatrices. Des techniciens. Mais aussi des journalistes. Alors si tu aimes l'actualité et que tu veux la décrypter, rejoins-nous. Studio École de France, 145 rue Jean-Jacques Rousseau à Issy-les-Moulineaux. 01 46 20 31 31. Et toi, repose cette fiole de blagues lourdes. Oh, mais j'ai jamais le droit aussi. Toutou vos hits réunis sur une seule radio. Studekweb, 100% nouveaux talents. Il est midi sur novembre et le soleil peut attendre que j'ouvre un peu les yeux sur toi. Je me fous de ce que tu penses, moi je parle à l'évidence. Nous ne passerons pas l'hiver cette fois. Il est midi sur novembre, je t'ai perdu dans la chambre, labyrinthe en désert, crois-moi. J'ai déposé des cendres dans le cendrier des anges, j'irai revoir la mer sans toi. We'll be fine, we'll be fine, I guess. Et Dieu sait que je tremble. Tu dois te réveiller sans moi. Il est midi sur novembre. Nous ne partirons pas ensemble. Mon cœur a décidé pour toi. We'll be fine. We'll be fine, I guess. We'll be. Et le soleil peut te prendre, que j'ouvre un peu les yeux sur toi. Il est midi sur novembre, nous ne partirons pas ensemble. Ton cœur a décidé pour moi. Ses 22 ans hier, c'était Louane sur Studekweb. Le sondage du jour sur Studekweb, est-ce que vous êtes pour ou contre l'épilation? Et bah pour réagir avec nous aujourd'hui, on accueille Mohamed qui nous appelle de Tourcoing. Bonjour Mohamed. Salut tout le monde, salut l'équipe. Salut, salut Mohamed. Alors tu as 31 ans, c'est ça, 31 ans et tu as de l'expérience du coup. Exactement. Voilà, oui. Tu as un peu d'expérience à 31 ans et tu es informaticien. C'est ça, tu as tout compris. Voilà, alors dis-moi Mohamed, est-ce que tu es pour ou contre l'épilation? Ah bah je suis totalement pour. Ça sent le vécu. Ouais. Pourquoi t'es pour? Mais parce que je sais pas, une fois par exemple, une petite histoire, c'est une fois j'ai rencontré une meuf en soirée et donc je l'ai ramenée chez moi, tout se passe bien, etc. Et au moment de passer à l'acte, je me rends compte que la meuf ne s'épile pas, mais de nulle part. Merci la technique pour cette musique. Mais du coup, donc toi Mohamed, c'est pas de poils à blanc. Ah, pas de poils du tout. Même sur les... Est-ce que ça dérange quand même les cheveux ou... Bah même pas le crâne rasé. Merci Mohamed, tu reviens quand tu veux et encore, merci encore un grand merci à toi d'avoir participé avec nous et à bientôt sur Studekweb. Est-ce que ce serait pas l'heure de l'alerte média? Alors je commence. Allez, alors, vas-y, à Jonville, les ponts, en Seine-et-Marne, un habitant d'une résidence s'est rendu compte que la clé de son appartement, en fait, bah elle pouvait ouvrir plusieurs appartements dans la résidence. Donc du coup le propriétaire a dû faire changer toutes les serrures en urgence, soit 150 serrures. Voilà. Très bien. Ok, alors rien à voir, je vais vous parler de Booba qui va sortir un recueil de poésie de ses punchlines. Yes. Et il y en aura que 200 exemplaires et ça coûtera 300 euros. Dont 92 signés par lui. Exactement. Voilà. Pour lutter contre le sida, les préservatifs pourraient bientôt être remboursés par la sécurité sociale. Ce remboursement concernera une marque particulière qui pourrait être prescrite par les médecins, a annoncé la ministre de la Santé Agnès Buzyn. En Californie, la police des autoroutes a reçu une drôle de visite au poste le 20 novembre dernier. Ça vient de tomber maintenant, donc c'est pour ça que je suis un peu en retard. Un ours brun est rentré dans leur poste. Wow. Il s'est dressé sur ses pattes arrière. Il s'est remis normalement, puis il s'est barré. Voilà, c'est tout c'est super. Petit ours brun. Ah, alors... j'aurais dû le demander celui-là, tiens. Rien à voir, photo Insta du jour. Kourtney Kardashian nous a montré ses fesses. Voilà, voilà. Et déjà 3 millions. Non, c'est Kim d'habitude qui fait ça. Là, Kourtney compte sur sa sœur. Ouais, enfin, disons que les Kardashians, ils sont bien dans le délire. Ouais, c'est montrer une leur stratégie cul, de com. À toi, Hugo. L'Olympique lyonnais rêve d'un nouvel exploit face à Manchester City. Ce soir, les deux équipes s'affrontent dans le cadre des derniers matchs de poule de la Ligue des Champions. Vainqueur sur le score de 2-1 au match aller, Lyon a l'occasion de valider son ticket pour le prochain tour qui sera les 8e de finale de la Coupe. Et demain, Paul McCartney sera en concert. Alors c'est demain du coup, c'est à 19h à l'Accord Hotel Arena de Paris et il reste des places, oui même pour Paul McCartney il reste des places, alors c'est assez abordable, entre 57 euros les premiers tarifs, ça va. C'est pas forcément très bien placé, mais à 57 euros t'as une bonne place, franchement, ça va, et c'est Paul McCartney quand même, c'est pas négligeable, ouais. Et le maximum pour les carrés un peu plus VIP ou quoi, c'est 160. 160, ah, c'est là pas c'est le même trop. Tarif. Alors 160, trop. Je vais te dire, pour un concert de Paul McCartney, ça me paraît tout à fait abordable. Je trouve pas, je trouve pas ça si cher que ça. Bah oui? Non, vraiment. Enfin, après, tu dois vendre combien de baguettes pour payer ça? De baguettes, baguette normale égale 1€, donc 160. Je rappelle à nos auditeurs que Hugo est à moitié boulanger. Yes, oui, voilà. Juste au cas où. Voilà, donc Hugo, il est fils de boulanger depuis des générations. Bah depuis 20 ans, depuis ma naissance, en l'occurrence. En tout cas. Voilà, c'était la fin de l'alerte média qui était subtilement glissée. Ouais, mais elle était géniale. Elle était géniale. Je vous rappelle qu'on est en direct sur Dailymotion, n'hésitez pas à aller nous voir. Et il est encore temps de vous inscrire pour jouer au jeu des poupées russes sur Studekweb via la page Facebook et le compte Instagram @Studekweb. Vous pourrez gagner dans le pack Studekweb, il y a un maillot, voilà, et une casquette. Ouais. C'est bien, vous êtes à jour les enfants. Et bah oui. Et on va parler de catch avec Mona aussi dans quelques instants, et de catch féminin même. Oui, de catch féminin. Je vais parler de la série Glow sur Netflix. Ah, mais on verra plus tard ça. Ne balance pas. On balance pas. Et le retour de la musique avec Clean Bandit. Solo avec Demi Lovato, ouais. Voilà, qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps de sa cure de désintoxication sur Studekweb. Aujourd'hui, entre 17h et 18h, retrouvez Dove, Romain et Rémi pour le GPS, le Grand Prime Studek. C'est son nom et c'est votre émission détente après une grosse journée de travail. Ils reviendront notamment sur la carrière de Freddie Mercury dans la Vinyl Story. Ils reviendront aussi sur Creed 2 dans la chronique Plein Phare. Vous pourrez tenter de gagner un pack Studekweb et visiter les locaux de la radio en jouant au jeu de la marche arrière. La bonne humeur est au rendez-vous. C'est ce soir, 17h, 18h, dans le GPS sur Studekweb. 15h30 sur Sudek Web. Sudek Web, les infos. Le Flash, Evan Guimoto. Bonjour Evan. Bonjour Antonin, bonjour à tous. Aujourd'hui dans l'actualité, des représentants des Gilets jaunes vont rencontrer cet après-midi François de Rugy, le ministre de la Transition écologique. Annonce faite par Emmanuel Macron lors de son discours ce matin. Il était très attendu après 10 jours de manifestations, entre autres sur le sujet du prix du carburant. Le président reste sur ses idées. La taxe carbone ne sera pas supprimée, mais peut être modulée. Elle pourra partiellement être suspendue en cas de flambée du prix du baril. Par ailleurs, lors de son discours, un plan de 7 à 8 milliards d'euros sur les énergies renouvelables a été énoncé. Il souhaite d'ici 2035 supprimer 14 des 58 réacteurs nucléaires français, dont 4 à 6 d'ici 2030. Une affaire de contre-espionnage inédite au cœur d'un palais de la République. Benoît Kennedy, un des administrateurs du Sénat, a été arrêté pour recueil et livraison d'informations à une puissance étrangère. Le haut responsable a été interpellé dimanche par les agents de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure et passé en garde à vue à Levallois-Perret. Il est accusé d'avoir tenté de délivrer des informations jugées ultra-sensibles à la Corée du Nord. Les enquêteurs cherchent à déterminer s'il aurait fourni des informations qui seraient susceptibles de nuire à la nation au régime de Pyongyang. Ses bureaux au Sénat auraient été perquisitionnés hier selon Quotidien. Suite de l'affaire des logements insalubres de Marseille, le procureur annonce qu'une information judiciaire contre X a été ouverte pour homicide involontaire. Cette accusation est aggravée par violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité. On rappelle que 8 personnes sont décédées suite à l'effondrement et deux immeubles du centre de Marseille. Les causes ne sont pas encore établies, comme le précise le procureur dans un communiqué. Les préservatifs remboursés sur prescription médicale, c'est ce qu'a annoncé Agnès Buzyn, ministre de la Santé, ce matin au micro de France Inter. Il sera complètement pris en charge par l'assurance maladie dès le 10 décembre 2018, mais une seule marque sera uniquement concernée pour être prescrite par le médecin traitant, la marque Eden. C'est une nouvelle étape pour la protection des Français et surtout des plus jeunes. Entre janvier 2017 et septembre 2018, 28% des personnes ont découvert qu'elles étaient porteuses du virus du sida à un stade avancé de l'infection. Et aujourd'hui, les Restos du Cœur repartent pour leur 34e campagne d'hiver, excusez-moi. Au total, 130 millions de repas avaient été distribués à plus de 860 000 personnes l'année dernière. Et il fait pas très beau aujourd'hui, Evan, pas très très bon. Et oui, la grisaille encore présente sur une majorité du pays pour la fin de journée. On peut voir un ciel plus chargé de la Charente-Maritime au nord. Seules les Pyrénées-Orientales et la Provence-Alpes-Côte d'Azur auront droit au soleil, avec quelques nuages en Savoie. Côté température, elles seront comprises entre 3 et 12 degrés, 4 à Besançon, 7 à Toulouse et la maximale de 12 à La Rochelle. Je vous laisse en compagnie d'Antonin et son équipe pour Studec Borderline. Merci Evan, rendez-vous à 16h pour une autre dose d'actualité. C'est Borderline sur Studec Web. On joue ensemble dans 17 minutes. Ouais, je suis précis. Très précis. Très précis sur Studec Web au jeu des poupées russes. Je vous rappelle les règles. Vous choisissez un animateur à affronter sur un sujet et vous avez 45 secondes pour donner le plus de réponses possible au thème caché. Voilà. Oui. Qui est un thème caché, le principe des poupées russes. Ça y est, vous avez compris. Ouais, bien sûr, t'as compris, t'inquiète. Hugo, ton thème du jour. Les voitures. Et Mona. L'amour. Et oui. Et pour participer, bah écoutez, on attend vos messages privés sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, @studecweb. Demi Lovato en feat avec Clean Bandit sur le titre Solo. Demi Lovato qui est sorti de Cure Désintoxication il y a quelques semaines. La chanteuse va beaucoup mieux. Solo sur Studec Web. It's so long. Solo de Clean Bandit et Mona, j'ai cru comprendre. Tu m'as dit qu'il y avait un sens à cette musique. Oui, il y a un sens en fait. Elle parle de son ex-copain avec qui elle n'est plus et qui lui apportait beaucoup de plaisir sexuel. Et du coup, ben, elle doit le faire toute seule aujourd'hui parce qu'il y a personne qui est aussi puissant que voilà. Elle. Vous coucherez moins bête. C'est ça. On se couche pas beaucoup moins bête. Mona, est-ce que ça change un petit peu là sur les thèmes habituels que tu abordes d'habitude aujourd'hui? Alors, hein, je sais ce que vous allez dire. Mona va faire l'arabe ou elle va parler du féminisme. Eh bien, les garçons, vous avez raison. Oui, je vais parler des femmes, encore une fois. Mais là, je vais vous parler de femmes sur un ring. Oh. Oui. Bon, j'ai regardé une nouvelle série Netflix à tendance féministe qui s'appelle Glow. Donc je vous passe un petit extrait, on en parle juste après. Le catch, c'est basé sur des types. T'es une fêtarde ultra sexy, t'es une arabe. Tu parles de stéréotypes. Oui, bingo, exactement, t'es une grosse femme noire. T'as dit quoi, là? Des filles catcheuses, j'ai pigé. Les femmes peuvent faire tout ce que font les hommes, blablabla. Ça donnait quoi? J'ai des frissons. Ouais. Du coup, c'est une série en fait où t'as un œil un peu particulier parce qu'on voit les dessous du monde du catch. Donc je pense que vous avez tous regardé le catch ici. Bien WWE, grand fan, Jeff Hardy, Randy Orton, tout ça, tout le monde connaît. Je connais. Et du coup, en fait, tu vois vraiment les dessous et tu te rends compte qu'en vrai, c'est du mytho, quoi. C'est vachement. Et c'est tellement bien fait. Ouais, en fait, c'est tout est scénarisé, tout est artistique en fait. Ouais, donc du coup, c'est hyper intéressant. Donc c'est ça qui est bien, c'est que tu vois à l'envers du décor. Et dans l'histoire, en fait, bon, ça parle de plusieurs comédiennes en gros qui vont à une édition pour un nouveau concept télévisuel. Et en gros, le concept télévisuel, c'est GLOW, ça veut dire Gorgeous Ladies of Wrestling. Vous avez cet accent. Ça veut dire les sublimes catcheuses, quelque chose comme ça. Hein. Et elles vont jouer dans une émission de télévision basée sur le catch, mais ça se passe dans les années 70. Donc c'est plutôt cool. J'aime bien Mona, j'aime bien parce que tu sais, elle nous sort un super accent, puis derrière, elle fait bon, ça veut dire quelque chose comme ça. Je sais pas trop. Voilà, c'est pas facile de dire en gros. Bref, passons. Et justement, ce qui est super cool avec la série GLOW, c'est qu'on apprend vraiment comment ça marche et comment c'est extrêmement dur en fait de faire les prises et de jouer en même temps la comédie, vous voyez. Il y a cette partie là que je valide grave, mais t'as aussi le fait en fait c'est tu vois la partie bidon, mais tu vois aussi comment c'est très difficile pour les femmes dans les années 70 de s'imposer dans le monde du sport, mais même aujourd'hui c'est comme ça. Ça commence seulement à être pour la WWE, ça commence seulement à mettre les femmes en avant depuis même pas un exactement, an. Exactement. Ouais, avant ça durait 10-15 minutes le match et puis on parlait pas trop des femmes. Donc voilà, je vous conseille vivement cette série hein, pour les hommes et pour les femmes. Regardez là, c'est vachement intéressant et ça parle surtout d'un milieu sportif qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire le catch. Le catch, et c'est une série du coup disponible sur Netflix et il y a deux saisons. Voilà, tout simplement, on est calé sur StudioQuest. Ce que je me rends compte, c'est que l'État nous manipule. Ouais, c'est cela, oui. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Il a raison, hein. C'est urbain, mais il faut pas pousser. StudioQuest, l'instant urbain. Alors, Mona, t'es féministe, ça jusque-là, on est d'accord, mais je savais pas que t'étais aussi gangsta, voilà, donc tu vas nous parler de rap aujourd'hui. Je suis une gangsta fashion, on va dire, une gangsta meuf quand même, qui reste suffisamment classe. Voilà, s'il te plaît. Donc c'est vrai, on a parlé d'Ams, on a parlé de Booba, on a parlé de Caris, tout ça c'est bien, mais on parle pas assez des rappeuses. Elles sont en minorité. Par exemple, là, je vais vous parler de Mouna, donc pas Mouna moi, Mouna M-O. O-N, donc Moon, comme la lune, vous voyez. Donc le c'est une rappeuse vraiment anglais, gangsta. Ouais, voilà. Mais vraiment, elle s'est grave imposée dans le rap game, cette fille. Je vous fais passer un petit extrait, écoutez. J'en ai plus rien à foutre, tu peux me voir calibré en talon sur le cross. En direct de Coppelia, femelle et gang à la Catelia. Sans sur les rings, je suis Marabia. Je tue pour les miens, pour la familia. Je voulais juste préciser qu'un jour pas comme un autre, elle va arriver vénère. Mona, elle va nous lâcher un freestyle. Bon, elle rappe un peu violemment, on va dire ça, mais dans un sens, tu vois, il y a quand même une petite partie poésie, tu vois. Mais je vais plus vous parler de Sheila. Donc vous connaissez tous Sheila, je pense, autour de cette table. Tu la connais pas? Je vais te la présenter. Du coup, bah, elle a une plume absolument incroyable, cette meuf. Hein. Vraiment, elle a des sons. Je suis sûre que tu les as déjà entendus. Et ce que j'aime bien chez elle, c'est qu'elle chante, elle rappe et elle est très féministe. Donc elle dépend, enfin, elle dépend. Elle défend beaucoup toutes ces valeurs en fait de femme. Et bah du coup, regarde. Je vais te faire écouter un extrait. On en parle juste après. Je regarderai le foot. Toi, tu feras la vaisselle. Je t'enverrai bien te faire foutre quand tu me feras une scène. Si je t'achète une chaîne. Deviendras-tu ma chienne? Je te serai infidèle. Ouais, je crois que j'ai compris le délire. Mais tu vois, en plus, elle chante en même temps, donc c'est vraiment beau. Moi, j'avais l'impression que c'était deux personnes différentes la première fois que j'ai entendu cette chanson. Donc, la chanson, je répète, elle s'appelle Si j'étais un homme. Et vraiment, je vous invite à l'écouter entièrement parce que les paroles sont. J'ai l'impression que tu vas être mais des couteaux. Je sais pas comment t'expliquer, c'est hyper impressionnant. Mm-hmm. Bon, je vais quand même vous parler un peu plus d'elle. Elle est issue d'une famille de musiciens. Son papa l'a perdu très jeune, il était pianiste. Et elle s'est fait repérer par Big Flo et Oli. Donc c'est pas rien, tu vois. Sur les réseaux, sur internet. Donc du coup, ils lui ont ouvert les portes un peu de ce métier du rap français. Maintenant, elle fait des sons avec Kery James et Fianso. Et ça me choque parce que toi qui aimes beaucoup Fianso, Hugo, je ne savais pas que tu ne connaissais pas ce son. Devant la bando, tu joues le bandit. À ce qu'il paraît, ton compte est à découvert. Malgré le manque, tu remets le couvert. Jamais tu n'apprends, tu penses être honnête. Tu vas redescendre ton nuage. J'avoue que ça ne dit rien. Non, du tout. Bah en fait, ce son, ça s'appelle Millionnaire. Et elle l'a fait avec Fianso, justement, du coup. Alors... tu vois, cette partie-là, je voulais que tu l'entendes, mais bon, c'est pas grave. Allez, maintenant, je vais vous faire passer son dernier son qui est sorti là, de début d'année. Hein, c'était au mois de septembre. C'est un petit résumé de son adolescence. C'est très intéressant. C'est un titre autobiographique. Je vous le fais découvrir. Ça s'appelle... alors, j'ai oublié le titre. Premier jour d'école. Sur StudecWeb. Comme un premier jour d'école, j'aimerais apprendre ce qu'on n'apprend pas à l'école. Comment grandir si je ne comprends pas l'école? J'aimerais apprendre ce qu'on n'apprend pas à l'école. Ils me répètent, faut grandir, trouver travail, fonder famille, penser à venir. Mauvais bulletin, on m'a dit l'amour avant l'argent. Mais j'ai besoin d'argent depuis que l'amour est à vendre. Pendant ce temps, maman cherche les billets. Papa dans nos prières. Mauvais élève, je suis dissipé. Le frère lui veut briller. Maman cherche les billets. Papa dans nos prières. On m'a pas appris à gérer les drames de la vie, donc je suis parti en vrille, ouais. Coup de pression comme un premier jour d'école. J'aimerais apprendre ce qu'on n'apprend pas à l'école. Comment grandir si je ne comprends pas l'école? J'aimerais apprendre ce qu'on n'apprend pas à l'école. Coup de pression comme un premier jour d'école. J'aimerais apprendre ce qu'on n'apprend pas à l'école. Comment grandir si je ne comprends pas l'école? J'aimerais apprendre ce qu'on n'apprend pas à l'école. Pas facile d'être un enfant, mais c'est encore pire d'être un enfant qui devient grand. Mauvais parents, on me dit faut s'inquiéter pour plus tard. J'ai pas peur de la mort, quand elle viendra je ne serai plus là. Pendant ce temps, maman cherche les billets. Papa dans nos prières. Mauvais élève, je suis dissipé. Le frère lui veut briller. Maman cherche les billets. Papa dans nos prières. On m'a pas appris à gérer les drames de la vie, donc je suis parti en vrille, ouais. Coup de pression comme un premier jour d'école. J'aimerais apprendre ce qu'on n'apprend pas à l'école. Comment grandir si je ne comprends pas l'école? J'aimerais apprendre ce qu'on n'apprend pas à l'école. Coup de pression comme un premier jour d'école. J'aimerais apprendre ce qu'on n'apprend pas à l'école. Comment grandir si je ne comprends pas l'école? J'aimerais apprendre ce qu'on n'apprend pas à l'école. Maman cherche les billets, papa dans nos prières. Mauvais élève, je dis j'y vais, le frère. C'était premier jour d'école tiré de son EP qui s'appelle Karma. Et elle n'a pas de date de concert pour l'instant, mais elle a fait pas mal de festivals au printemps dernier. Merci Mona. Mais et de rien. Dans un petit peu moins de 10 minutes, et ben on jouera au serment d'hypocrite avec Romain. On jouera ensemble aussi dans 5 à 6 minutes au Poupée Russe sur Sudekweb. Les thèmes aujourd'hui sont pour Mona. Amour. Amour et pour Hugo. Voiture. La voiture. Et merci pour participer vous. Du coup on attend vos messages privés sur la page Facebook et le compte Instagram @studecweb avec votre numéro de téléphone. On a aussi Aya Nakamura pour vous. Yeah. Spin sur Studek Web. Le Grand Prime Studek, c'est tous les jours du lundi au jeudi à partir de 17h sur la Web 1. Je m'appelle Romain, je suis accompagné de Rémi et Dov pour vous accompagner après une journée bien chargée. Vous retrouverez de l'actu et des jeux, avec notamment le jeu de la marche arrière. Le principe est simple, tout au long de l'émission, Dov vous donnera des indices et il vous faudra retrouver une année bien particulière. Le Vinyl Story sera aussi de la partie, et ce grâce à Rémi. Rendez-vous à 17h pour le plein de bonne humeur. Dans moins de 5 minutes, le jeu des poupées russes sur Studek Web. Direction la Russie sur Studek Web. On joue au jeu des poupées russes sur Studek Web. Le jeu des poupées russes, c'est maintenant sur Studek Web. Et avec nous au téléphone aujourd'hui, c'est Armand. Bonjour Armand. Salut Antoine. Salut Armand. Comment ça va Armand? Eh ben ça va nickel, surtout depuis que ben voilà, je suis à l'antenne, donc ça va encore mieux quoi. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. D'écoute, tu nous appelles de Poitiers, tu as 21 ans. C'est exactement ça, toutes les infos sont bonnes. Toutes les infos sont bonnes et tu es serveur. Et je suis serveur dans une chaîne de fast-food, ouais. Ah, et tu peux pas dire le nom, malheureusement. Bah, malheureusement, je ne peux pas dire le nom, mais ça commence par Mac et ça finit Donald. Alors, qu'est-ce que t'as une passion dans la vie, tiens? Ouais, je suis musicien, j'adore, enfin, je fais de la batterie, voilà, j'adore ça. Sympa. Un jour, tu viendras sur Studeco avec nous et tu nous feras un petit morceau de batterie, ok? Ouais, en plus, ouais, vous allez adorer parce que c'est du heavy metal, donc je pense que ça colle super bien avec la radio. Ça colle super bien avec la radio, c'est sûr. Des animaux? Des animaux, ouais, j'ai une tortue. Ah, c'est mignon, ça, une tortue. Elle s'appelle comment ta tortue? Je suis fan de BD, fan de Boule et Bill aussi, je l'appelais Caroline. Oh oui, c'est sûr. C'est exactement ce que j'avais demandé. C'était mec. Obligé. Elle a une vie sentimentale? Et malheureusement, j'avais une vie sentimentale, mais depuis 4 mois, on y a mis fin. Ma partenaire et moi, elle est d'un commun accord, mais bon, elle était plus d'accord que moi. Donc... non, mais on espère, t'inquiète pas, t'as une belle voix, je suis sûr qu'il y a plein d'auditrices qui vont tomber sous ton charme sur ce déclin. Et puis t'as une tortue, mec. Voilà, t'inquiète pas. Alors, les thèmes du jour sont pour Mona. Amour. Et pour Hugo. Et les voitures. Voilà, donc je te rappelle que tu vas choisir un thème et tu as 45 secondes pour répondre après à la question correspondante au thème, d'accord ? D'accord, j'ai tout compris. Alors, qui tu choisis, Hugo ou Mona ? Bah, justement, voilà, j'en profite, ce sera Mona avec son thème de l'amour. Ah, trop bien ! Je suis content. Parfait, parfait. Alors, attention, 45 secondes, top chrono. Je vais te demander de me donner des surnoms qu'on donne à sa compagne, s'il te plaît. D'accord. Allez. Alors, la compagne, ma chérie, mon amour, mon trésor, mon ange. Ma biche, mon sucre d'orge. Ok. Ma chérie de l'amour de l'univers incontrôlable. Faut pas non plus abuser. Chacun le sien, après ça peut être ma crotte aussi. Bah, attends. Ma crotte. J'en compte 8, il m'en faut 2 autres. Allez, encore bébé. 2, allez. Tu m'as déjà dit. J'ai déjà dit ma. Je sais pas, ma. Allez, ma petite non, c'est dommage. J'ai été méchante, on va le laisser gagner. C'était à 9, on le laisse gagner, les gars. Voilà, félicitations quand même. Attendez, bah oui, c'est normal, tu m'as choisi. Et t'as de la chance que Mona soit là, Armand, parce que ça aurait été moi, je suis intransigeant. Mais c'est parce que je suis célibataire aussi, du coup, c'est pour ça. Et sache que si ça aurait été moi, tu aurais perdu. Voilà, on va te rencarder avec Mona, t'inquiète pas, Armand. Ah, en tout cas. Tu peux avoir le numéro de Mona, ouais. Bah, écoute, on te laisse avec le. T'inquiète, reste avec nous, il y a Sonar qui va te reprendre, mais tu repars avec ton pack StudioQuest. Et un grand merci à toi d'avoir participé avec nous, Armand. A bientôt, on rejouera demain au jeu des poupées sur StudioQuest. Je vous demande de vous arrêter. Le serment d'hypocrite sur StudioQuest. Accusé ? Non, levez-vous! Mesdames et messieurs, voici la cour! Asseyez-vous, accusé Romain, les faits qui vous sont reprochés, avoir largué une caisse dans la cafétéria en accusant votre camarade, ah bah bravo! Assez souvent, assez joli, bravo. Alors comment allez-vous? Ça va super. Ça va. Bon, est-ce que je vous rappelle un petit peu les règles du serment d'hypocrite? Je me suis fait avoir à chaque coup. À chaque coup, de toute façon, voilà. Je sens que c'est trop facile. Est-ce qu'il a déjà eu raison une seule fois? Oui. Je pense pas. Ah si, oui, pas. Une fois. Oui. Une fois, il a eu raison. Ok. Et bah c'était la dernière. C'est pas bien profité. Alors chacun de nous, on a une anecdote en fait. Yes. Voilà. Et il y en a qu'un seul qui dit vrai. Faut que tu trouves qui dit vrai. Qui commence? Je vais commencer ? Allez, tu commences. Alors, je vais te raconter une histoire. Je suis là, Romain, regarde-moi. Oui, mais voilà. Regarde-moi, s'il te plaît, quand je te parle, c'est la moindre des choses. Du coup, quand j'étais plus jeune, quand j'avais 16 ans, crise d'adolescence, je voulais avoir un piercing au nombril. Ouais. Et je l'ai fait. Et quand ma mère l'a vu, elle a commencé à pleurer comme une malade. Et elle m'a dit, c'est pas comme ça que je t'ai élevée. Ça fait très mauvais genre, t'es complètement folle. Et je l'ai enlevé un mois et demi après parce qu'il s'est infecté. Et personnellement, je pense qu'elle m'a surtout jeté un sort. Voilà. Hugo. Alors moi, quand j'avais 10 ans, mes parents m'ont emmené pour la première fois au parc Astérix, hein, tu connais. Et je voulais faire l'attraction, le tonnerre de Zeus. Est-ce que tu vois, c'est laquelle? Ouais. Bon, chers auditeurs, si vous voyez pas, on vous mettra une photo sur StudioQuest, sur la page StudioQuest. Bon, enfin bref, plus on se rapprochait de l'attraction, plus je me chiais littéralement dessus. Et au moment de descendre, la première descente, j'ai donc déglutti mon jambon beurre. Et grâce à la force du vent, c'est arrivé. J'ai déglutti mon jambon beurre. Et grâce à la force du vent, c'est arrivé sur les personnes derrière moi, pas sur moi. Oh, mon Dieu. Donc tout va bien, quoi. Ah, bravo. C'était très seul. Incroyable. On va parler d'un truc un peu plus propre. Écoute, quand mon oncle, il a une entreprise, d'accord. Et pendant l'été 2016, j'ai travaillé avec lui. Donc jusque-là, tout va bien. Mais c'est une entreprise de laveur de carreaux, d'accord. Donc, à part des devantures de magasins, j'ai eu l'occasion et la grande chance de faire un immeuble. Donc j'étais suspendu à 25 mètres de hauteur et j'ai fait les vitres à 25 mètres de hauteur dans un harnais de sécurité avec mon oncle. Voilà. Alors, à ton avis, qui va dire vrai? Allez, dis-nous tout. Je pense Hugo. Tu penses que c'est Hugo? Tu penses que c'est moi qui dis la vérité? Attention. Ah, dommage. Eh bah non. Coucou. C'était moi. C'était Mona. Voilà. C'est moi qui dis la vérité. Encore une fois, à chaque fois tu te fais avoir. Et oui, je suis une femme honnête. Et Romain. Donc maintenant, on est en capacité de dire que la mère de Mona est officiellement une sorcière. Je te défends de dire ce genre de choses. Je t'interdis. Alors écoute, Romain, ton gage, ça va être de lancer la prochaine intro de façon sensuelle et en te caressant. Le visage et le torse. Ça pourrait être mal interprété. Le visage et le torse. Donc tu sais quand tu fais comme ça là. Ouais, genre I'm feeling sexy. Et donc ça sera Pitbull Rain Over. Mais il n'y a pas d'intro, donc je ne pourrais pas faire ce gage. Tu le fais avant. Vraiment désolé. Tu le fais avant. Ah bah tu vas le faire avant. Tu as perdu, tu le fais. Allez, dépêche-toi là. Attends, laisse-moi parler, merde. On peut voir ça. Tu veux me couper comme ça. Bon, voilà. Un petit mot de la fin. Alors déjà, on se dit juste qu'on se retrouve demain. Oui, toujours, bah oui. Voilà, entre 15h et 16h, ça ne change pas. Un nouveau sondage, des new news. Une nouvelle chance toujours de gagner un pack Studio Club au jeu des poupées russes. Yes. Et on a un invité. Ouais, c'est plutôt ouais, cool. Voilà, ouais, on va recevoir Lulu. Hit Machine avec Charlie et Lulu. Oui. Voilà. Tout simplement. Un petit mot pour la fin maintenant, Mona. Fourchette. Ok, d'accord, Hugo. Et dans le même thème, assiette. Ouais. Assiette, voilà. Et bah écoutez, on se retrouve demain, je t'en prie. À toi l'honneur. Non, mais. Il faut parler. Non, tu feras pas ton émission. Ouais, tu feras pas tard. Mais non, c'est pas grave. Allez, on c'est pas le grave. Gage. On s'en fout, c'est vous qui allez rattraper. Hein. Et tu, non, tu l'annonces. Parler. Tu l'annonces, tu te. Ah, d'accord. Voici Pitbull. C'est voilà, voilà. C'est un bon début. C'est déjà mieux. Baby, you a rockstar. Dale veterana que tú sabes más de la cuenta. No te hagas. Teach me, baby. Or better yet, freak me, baby. Yes, yes, I'm freaky, baby. I'ma make sure that your peach feels peachy, baby. No bullshit bras. I like my women sexy, classy, sassy. Powerful, yes. They love to get a little nasty. Now, this ain't a game, you'll see. You can put the blame on me. Dale muñequita. Mommy, you know the drill. They won't know what I got till they read the wheel. I ain't trying to keep it real. I'm trying to keep wealth and that's for real.